Dans l'épisode précédent... À Demon Vegas, rien ne va plus. Pour des raisons mystérieuses, il n'y a quasiment plus d'eau dans les réserves. Depuis quelques heures, la ville du luxe est en prise à une grosse catastrophe sanitaire. Alors que les sous-sols regorgent de pétrole, il semble que ce soit l'eau qui vienne à manquer. Victor Cardo jubile. Lui qui vient tout juste de s'installer dans son palais dominant Demon Vegas, a découvert une fontaine. Ils n'ont plus d'eau. Au moment même où je viens de trouver une source de jouvence. Le plus incroyable, c'est que l'eau de la fontaine s'avère magique. Elle a été capable de guérir Marc, gravement malade. Les docteurs viennent de pratiquer différents scanners, des radios. Ils ont même fait des photos satellites, mais il semble que mon frère soit miraculeusement guéri. Voici le 12e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé « Un frère de trop ». Papa, tu voulais me parler ? Oui, entre dans mon bureau. Tu veux un cigare ? Aucune cochonnerie de Havane, s'il te plaît. C'est des communistes. Tu as raison, le tabac est mortel. Prends plutôt un verre d'eau. Comme tu le sais, nous sommes devenus riches. Une des familles les plus puissantes de la ville grâce à l'eau de Bouzac. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Les commandes pleuvent, mais j'en veux plus. Notre source est limitée et nos profits aussi. C'est pourquoi je compte racheter plusieurs marques d'eau minérale dans lesquelles nous rajouterons quelques gouttes de Bouzac, ce qui nous permettra de garder l'appellation d'origine contrôlée. Oh, c'est astucieux, on se lance dans la distribution de masse. Oui, mais j'ai besoin d'un homme pour la promotion. Et tu as pensé à moi ? Je ne te décevrai pas, je parcourrai le monde de Tripoli à Denver en passant par Noirmoutier, France. Je serai le globe-trotteur de la marque. Ce n'est pas toi qui seras le représentant, c'est ton frère. Quoi ? Il est celui qui a été guéri par notre eau, le meilleur ambassadeur. C'est lui. Dans le petit salon, j'ai organisé une conférence de presse. Regarde, il est formidable. J'étais mourant, j'étais seul, blessé, accablé par la mort elle-même. Et lorsque tel un chien malade, j'ai lapé trois gorgées de Bouzac, je me suis transformé en un homme nouveau, capable de courir plus vite que notre cheval Couscous. J'ai ressuscité. Tu vois, il est brillant. Mais ça ne me dit pas ce que je vais devenir. Tu t'occuperas de la partie technique. Moi, en plombier, est-ce que c'est avec les mains graisseuses que l'on peut conduire une Porsche décapotable avec dignité ? Tu n'es jamais content. C'est ça ou tu quittes notre palais. Je commence à quelle heure ? À 19h. Il faut que tu vois l'ingénieur de la ville, Stan Forrester. Il nous donnera un certificat pour exploiter la fontaine à l'échelle planétaire. J'y serai. Je te laisse. Je me suis fait couler un bain de champagne et je compte le partager avec Sandy, notre femme de ménage. Ah, on reprend ses bonnes vieilles habitudes de milliardaire. Oui. Alors, Paul, on s'occupe de la technique à présent ? Quand tu auras du temps de libre, j'ai la vidange de ma Ferrari à effectuer. Tu ne perds rien pour attendre, Marc. Allez, je dois filer à New York pour un contrat. On se verra ce soir pour le dîner. C'est ça. Ouais, monsieur Cardo. Oui ? Stan Forrester, ingénieur de l'eau. Vous venez tester la conformité de la source, je suppose. Suivez-moi. Vous avez de la chance, hein ? À l'heure où la ville connaît une pénurie d'eau sans précédent, cette fontaine vous propulse sur le devant de la scène. Dans la famille, on n'a jamais supporté les coulisses. Seul le devant de la scène nous procure de l'ivresse. Ouais, c'est encore loin ? Non, c'est plus très loin. C'est entre le terrain de golf de mon père et sa piscine olympique. C'est là ! Wow ! C'est une sacrée quantité d'eau, dis donc. 40 mètres cubes minute. Oh, hey, jetez un coup d'œil. Ouais, c'est bizarre, hein. L'entrée de la source est métallique. On dirait un tuyau crevé. Qui c'est qui a découvert cette source ? Un ouvrier avec sa pelleteuse. Il a heurté un caillou et ça a jailli comme le Vésuve à Pompéi. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Quoi ? Regardez sur la carte. Vous avez heurté la canalisation principale qui approvisionne notre cité en eau. Plaisanté ? Pas du tout, hein. Ça explique nos problèmes de pression dans les canalisations centrales de la ville. Eh ouais. C'est pas possible, c'est pas de l'eau du robinet qui a pu soigner mon frère. C'est notre source, elle est magique. Magique. Alors regardez. Quoi ? On dirait des restes de médicaments enfouis dans la terre. Eh, c'est curieux en effet. Ouais, pas tant que ça, hein. Si on se fie à cette vieille carte, cet endroit était autrefois à la décharge à médicaments. L'eau qui s'écoulait de votre source a dû être filtrée par tous ces vieux produits. Votre frère a injecté un tas de médicaments à la seconde. Ça lui a fait du bien, hein. Ça serait miraculeux. Ouais, Demon Vegas, les miracles sont choses courantes, vous savez. Et qu'est-ce que va devenir la fontaine ? On va la colmater, vous serez quitte pour une bonne amende, hein. Bien fait pour votre gueule. Oh mon dieu. Après l'eau miraculeuse, je vois s'abattre sur notre famille les déluges du malheur.